Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 1. Yonville l'abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de Capucins, dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la Rieule, petite rivière qui se jette dans l'Andelle, après avoir fait tourner 3 moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites que les garçons le dimanche s'amusent à pêcher à la ligne. On quitte la grande route à la Boissière, et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme 2 régions de physionomie distincte. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière au pâturage du pays de Bray, tandis que du côté de l'est, la plaine montant doucement va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons. Et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert bordé d'un galon d'argent. Au bout de l'horizon, lorsqu'on en arrive, on a devant soi les chênes de la forêt d'Argueil, avec les escarpements de la côte Saint-Jean, rayés du haut en bas par de longues traînées rouges inégales. Ce sont les traces des pluies et ces tons de briques, tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne, viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent au-delà, dans le pays d'alentour. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage, sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neuchâtel, de tout l'arrondissement. Et d'autre part, la culture y est coûteuse, parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres, friables, pleines de sable et de cailloux. Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville. Mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité qui relie la route d'Abbeville à celle d'Amiens, et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les Flandres. Cependant, Yonville-l'Abbaye est demeurée stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore aux herbages, quelque dépréciés qu'ils soient, et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin, tout couché en long sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau. Au bas de la côte, après le pont, commence une chaussée plantée de jeunes trembles qui vous mène en droite ligne jusqu'aux premières maisons du pays. Elles sont encloses de haies, au milieu de cours pleines de bâtiments épars, pressoirs, charreteries et bouilleries, disséminées sous les arbres touffus portant des échelles, des gaules ou des faux accrochés dans leurs branchages. Les toits de chaume, comme des bonnets de fourrure rabattus sur des yeux, descendent jusqu'au tiers à peu près des fenêtres basses, dont les gros verres bombés sont garnis d'un nœud dans le milieu, à la façon des culs de bouteille. Sur le mur de plâtre que traversent en diagonale des lambours de noir s'accrochent parfois quelques maigres poiriers et les rez-de-chaussée ont à leur porte une petite barrière tournante pour les défendre des poussins qui viennent picorer sur le seuil des miettes de pain bitrempées de cidre. Cependant, les cours se font plus étroites. Les habitations se rapprochent, les haies disparaissent, un fagot de fougère se balance sous une fenêtre au bout d'un manche à balai. Il y a la forge d'un maréchal et ensuite un charron avec 2 ou 3 charrettes neuves en dehors qui empiètent sur la route. Puis à travers une claire-voie apparaît une maison blanche, au-delà d'un rond de gazon que décore un amour, le doigt posé sur la bouche. 2 vases en fonte sont à chaque bout du perron. Des panonçons brillent à la porte. C'est la maison du notaire et la plus belle du pays. L'église est de l'autre côté de la rue, 20 pas plus loin, à l'entrée de la place. Le petit cimetière qui l'entoure, clos d'un mur à hauteur d'appui, est si bien rempli de tombeaux que les vieilles pierres à ras du sol font un dallage continu, où l'herbe a dessiné de soi-même des carrés verts réguliers. L'église a été rebâtie à neuf dans les dernières années du règne de Charles X. La voûte en bois commence à se pourrir par le haut, et de place en place à des enfonçures noires dans sa couleur bleue. Au-dessus de la porte, où seraient les orgues, se tient un jubé pour les hommes avec un escalier tournant qui retentit sous les sabots. Le grand jour, arrivant par les vitraux tout unis, éclaire obliquement les bancs rangés en travers de la muraille que tapissent çà et là quelques paillassons cloués, ayant au-dessous de lui ces mots en grosses lettres « Banc de Monsieur Untel ». Plus loin, à l'endroit où le vaisseau se rétrécit, le confessionnal fait pendant à une statuette de la Vierge, vêtue d'une robe de satin, coiffée d'un voile de tulle, semée d'étoiles d'argent, et tout empourprée aux pommettes comme une idole des îles Sandwich. Enfin, une copie de la Sainte Famille, en voix du ministre de l'Intérieur, dominant le maître autel entre quatre chandeliers, termine au fond la perspective. Les stalles du chœur en bois de sapin sont restées sans être peintes. Les halles, c'est-à-dire un toit de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié environ de la grande place d'Yonville. La mairie, construite sur les dessins d'un architecte de Paris, est une manière de temple grec qui fait l'angle à côté de la maison du pharmacien. Elle a au rez-de-chaussée trois colonnes ioniques et au premier étage une galerie à plein cintre, tandis que le tympan qui la termine est rempli par un coq gaulois appuyé d'une patte sur la charte et tenant de l'autre les balances de la justice. Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est en face de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie de Monsieur Homais. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin sur le sol leurs deux clartés de couleurs, alors, à travers elles, comme dans des feux de Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée. Eau de Vichy, de Seltz et de Barège, Rops dépuratif, médecine Raspail, racaou des Xarabes, pastilles d'Arcet, pâte Regnault, bandage, bain, chocolat de santé, etc. Et l'enseigne qui tient toute la largeur de la boutique porte en lettres d'or « Homais, pharmacien ». Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot « laboratoire » se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois « Homais » en lettres d'or sur un fond noir. Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue, la seule, longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s'arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l'on suive le bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière. Lors du choléra, pour l'agrandir, on a abattu un pan de mur et acheté trois acres de terre à côté. Mais toute cette portion nouvelle est presque inhabitée, les tombes comme autrefois continuant à s'entasser vers la porte. Le gardien, qui est en même temps fossoyeur et bedeau à l'église, tirant ainsi des cadavres de la paroisse un double bénéfice, a profité du terrain vide pour y semer des pommes de terre. D'année en année, cependant, son petit champ se rétrécit, et lorsqu'il survient une épidémie, il ne sait pas s'il doit se réjouir des décès ou s'affliger des sépultures. « Vous vous nourrissez des morts, lestiboudois, » lui dit enfin un jour monsieur le curé. Cette parole sombre le fit réfléchir. Elle l'arrêta pour quelque temps, mais aujourd'hui encore il continue la culture de ses tubercules et même soutient avec aplomb qu'il pousse naturellement. Depuis les événements que l'on va raconter, rien en effet n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église. La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses deux banderoles d'indiennes. Les foetus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux, et au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche.

Il se tut, cherchant des yeux un public autour de lui, car dans son effervescence, le pharmacien, un moment, s'était cru en plein conseil municipal. Mais la maîtresse d'auberge ne l'écoutait plus. Elle tendait son oreille à un roulement éloigné. On distingua le bruit d'une voiture mêlé à un claquement de fer lâche qui battait la terre, et l'hirondelle enfin s'arrêta devant la porte. C'était un coffre jaune porté par deux grandes roues qui, montant jusqu'à la hauteur de la bâche, empêchait les voyageurs de voir la route et leur salissait les épaules. Les petits carreaux de ces vasistas, étroits, tremblaient dans leur châssis quand la voiture était fermée et gardaient des taches de boue, çà et là, parmi les vieilles couches de poussière que les pluies d'orage même ne lavaient pas tout à fait. Elle était attelée de trois chevaux, dont le premier en arbalète, et lorsqu'on descendait les côtes, elle touchait du fond en cahotant. Quelques bourgeois d'Yonville arrivèrent sur la place. Ils parlaient tous à la fois, demandant des nouvelles, des explications et des bourriches. Hiver ne savait auquel répondre. C'était lui qui faisait à la ville les commissions du pays. Il allait dans les boutiques, rapportait des rouleaux de cuir au cordonnier, de la ferraille au maréchal, un baril de hareng pour sa maîtresse, des bonnets de chez la modiste, des toupets de chez le coiffeur. Et le long de la route, en s'en revenant, il distribuait ses paquets qu'il jetait par-dessus les clôtures des cours, debout sur son siège et criant à pleine poitrine pendant que ses chevaux allaient tout seuls. Un accident l'avait retardé. La levrette de Madame Bovary s'était enfuie à travers champs. On l'avait sifflée un grand quart d'heure. Hiver même était retourné d'une demi-lieue en arrière, croyant l'apercevoir à chaque minute. Mais il avait fallu continuer la route. Emma avait pleuré, s'était emportée, elle avait accusé Charles de ce malheur. Monsieur Lheureux, marchand d'étoffe, qui se trouvait avec elle dans la voiture, avait essayé de la consoler par quantité d'exemples de chiens perdus, reconnaissant leur maître au bout de longues années. On en citait un, disait-il, qui était revenu de Constantinople à Paris. Un autre avait fait 50 lieues en ligne droite et passé 4 rivières à la nage. Et son père, à lui-même, avait possédé un caniche qui, après 12 ans d'absence, lui avait tout d'un coup sauté sur le dos un soir dans la rue, comme il allait dîner en ville.